Monde de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste qu'il y a eu. On sait qu'on a parlé avec Robert Dubreuil pour analyser les deux dernières Coupes du Monde. Évidemment, comme on le fait à toutes les Coupes du Monde, on parle avec Marianne. Salut Marianne. Marianne, d'abord, comment tu as Salut. trouvé ça patiner à Toronto? C'était la première fois que vous alliez à Toronto. Comment tu as trouvé ça? OK. C'est un bel événement. Comme tu dis, c'est la première fois, donc oui, il y avait des petites choses à ajuster dès le début, là. Mais écoute, ils ont repris rapidement. Ce qu'on craignait, nous, Ouais. c'était la popularité du sport. Est-ce que les gens allaient se déplacer pour venir nous voir? Finalement, on a eu vraiment une très belle réponse du public. L'événement était sold out le dimanche, donc il n'y avait plus de billets. Donc non, vraiment, je pense qu'il y a une bonne réponse. Les gens ont apprécié le spectacle. Puis il y a eu, ben, en fait, on a eu des très belles performances côté canadien, donc ça a peut-être encouragé les gens Robert à venir Dubreuil voir me le sport disait plus que c'était souvent, là. une glace assez rapide. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, c'est une glace qui était rapide. Qui était, déjà, là, quand on a marqué dessus sur la glace, on a passé, là, on a tout de suite senti que ça allait être une glace qui allait être rapide, mais en même temps, c'est une glace qui était cassante un petit peu, donc il fallait faire attention de ce côté-là, il fallait se méfier aussi. Un peu une glace qui OK. ressemblait à Calgary un petit peu. Mais non, vraiment, avec les temps aussi, ce qu'on a vu, c'était une glace qui était relativement rapide, mais c'est le fun aussi d'avoir un feeling différent sur une Ben glace oui, c'est sûr. différente Puis, de Maurice mais Richard. est-ce que, avant d'aller plus en détail dans les performances individuelles, est-ce que tu crains, j'en parlais avec Robert Dubreuil, est-ce que tu crains qu'à un moment donné, par le passé, il y avait des coupes qui se jouaient à Montréal, à Québec, à Calgary. Là, maintenant, il y avait un article dans le journal en fin de semaine qui disait que peut-être que ça va être dans des plus grands marchés, puis les petites villes, comme exemple Saguenay, ça va être de plus en plus difficile d'organiser ça. Est-ce que tu crains ça, toi aussi? En parlant avec Robert Dubreuil, auparavant, ça se faisait à Ville-Saguenay, ça se faisait à Sherbrooke, à Québec, les Coupes du Monde. Et là, maintenant, est-ce que ça s'est fait à Toronto? On disait dans le journal en fin de semaine que peut-être que les petits marchés, ça va être de plus en plus difficile d'organiser des Coupes du Monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben en fait, moi, c'est pas vraiment ça que je crains. J'ai pas l'impression que c'est pas nécessairement ça qui va mettre parce qu'ils sont de petites régions ou de petits clubs qui vont mettre le bâton dans les roues. Moi, j'ai plus l'impression qu'on s'en va vraiment vers un futur plus sécuritaire. T'sais, on veut avoir des établissements, on veut aller patiner dans des établissements qui vont être plus sécuritaires pour nous. Fait que ça, c'est synonyme de système sans bande. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'en retrouve pas beaucoup au Québec, beaucoup au Canada, donc c'est ça qui devient difficile, t'sais. On a Maurice Richard qui est bien installé, on a Calgary qui est bien installé, on a Chicoutimi, on a Richmond qui peuvent transformer les arénas dans un système sans bande, mais moi c'est plus ça qui me fait, en fait, qui je pense qui va rester qui va devenir un petit peu un irritant, qui va mettre des bâtons dans les roues parce que je pense qu'avec les blessures qu'on voit, les systèmes avec bande, c'est vraiment quelque chose qui, écoute, ça fait augmenter le risque des blessures de quasiment de 95 % Okay. là, fait que t'sais, j'ai l'impression qu'on va s'en aller vers ça, vers le futur. Fait que là, c'est peut-être plus ça qui va mettre des bâtons dans les roues dans les plus petites OK. Hey régions. Marianne, bon, on va parler des résultats des deux Coupes du Monde. Es-tu contente de tes deux Coupes du Monde? Très satisfaite OK. de mes deux Coupes du OK. Monde, oui. Est-ce que, j'en parlais avec Robert Dubreuil, il y a beaucoup d'athlètes cette année que je connaissais pas du tout, que j'ai jamais vu passer. Exemple, Min Jong Chung, Yutong Zhang, Kevin Fan, on la connaît, la chinoise, mais Sofia Provrinova de la Russie. Beaucoup d'athlètes, est-ce que les autres pays sont en reconstruction, quoi? Ben, toutes les noms que tu m'as donné, pour moi, ils sont pas étrangers, là. Ils sont arrivés. C'est des filles, en fait, qui sont OK. juniors, donc qui sont beaucoup plus Ouais. jeunes que moi, qui ont entre 17 et 19 ans. Mais non, c'est des filles qui, oui, progressivement ont fait le preuve. Je veux dire, qui ont eu des bons résultats, soit l'année passée en championnat du monde, en championnat du monde junior, et même aux Jeux Ouais. universitaires. Donc, tu sais, oui, c'est des pays qui reviennent en même temps. Je pense qu'il faut jamais être surpris des Coréens, des Chinois qui vont arriver sur le circuit. C'est pas des gens qui ont nécessairement besoin d'avoir de l'expérience. Et quand ils arrivent sur le circuit, ils sont prêts déjà à faire des médailles. Même chose côté, bon, Russe, Sofia, c'est une ouais. Russe, donc on sait que Sébastien Cros est là-bas. Moi, je connais très bien Sébastien, je sais que c'est un très bon entraîneur. Donc, pour la relève, pour ces jeunes-là, moi, je pense qu'il va faire un très bon travail. Donc, je suis pas surpris de voir ces filles-là immerger du circuit, autant au relais, autant au niveau individuel. Donc, oui, c'est le fun à voir en même temps parce que ça change de. Corée, Canada, ouais. Chine. Mais c'est ça, tu sais, je pense que le sport, ça montre que le sport est en santé, que les pays, que différents pays, justement, travaillent fort, puis qu'eux aussi sont capables de se faire une place. Donc, Konstantinova, un autre russe également. Donc, on voit que la Russie, cette année, en tout cas, ont développé. Ça fait différent des Catherine Rooter, des Aria Fontana, des Alice Christie, on la connaît, là, mais que tu as vu, ouais, au fil des dernières années. Là, c'est de voir la relève, comment qu'elle progresse. Ben, quelque part, ça, pour eux autres, tu es une vétérante, là. Ah, ben oui, là ouais, je le sens encore plus. Oui, mais c'est ça, mais en même temps, je pense que ça a souvent été ça. En fait, les Canadiens, si on se recule de quelques années, ça a toujours été, oui, la Canadienne de 25 ans, mais qui se disputait contre, ouais, les jeunes de ce soir-là, entre 17 et 19 ans. Mais c'est comme ça, nous, on atteint notre pic un petit peu plus tard dans notre progression, c'est-à-dire entre 25 et 28 ans pour, okay, les femmes, tandis que dans les pays plus orientaux, je veux dire, c'est vraiment début là, de la vingtaine. Là. Je dirais même 18, 19 ans, 20 ans, c'est quasiment à retraite. Pourquoi? Parce qu'on commence jeune. C'est pour ça qu'on est commence jeune, eux autres. Parce que, ben oui, dans les pays, exactement, Chine, ouais, Corée, Japon, je suis pas certaine, mais Chine, Corée, là, nécessairement que ça commence déjà dans un âge qui est très, très bas. Puis eux, ils les entraînent pour qu'à 16 ans, 17 ans, ils soient champions du monde. C'est toujours ça. C'est pour avoir une relève tout le temps. Fait que c'est pour ça que c'est excessivement rare de voir des patineuses qui excèdent 22 ans sur un circuit de la Coupe du Monde. Fait que, c'est comme ça. C'est une mentalité, c'est une façon de fonctionner, mais on s'entend qu'à 16 ans. C'est quand même très tôt. À 16, 17 ans, ta croissance n'est même pas finie. Tu sais, je veux dire, quelque part. Là. Je regardais le relais. Le Canada, quatrième en fin de semaine à Toronto, troisième à Montréal. Est-ce que c'est quand même satisfaisant pour toute l'équipe? On était vraiment satisfaits, honnêtement. À Montréal, on a commis une erreur. On a terminé deuxième, mais c'est parce qu'il y a eu une qualification. Fait que on méritait la troisième place à ce moment-là. On a fait une erreur qui a fait en sorte que pour la fin. Moi qui étais la finisher, je me suis retrouvée dans une position où je pouvais pas rattraper, je pouvais pas me battre avec la dernière chinoise, la dernière coréenne. Donc on était vraiment loin en arrière, j'étais en situation de rattrapage, donc on a fait ça nous a coûté cher. Mais à Toronto, c'était vraiment une belle course là. On était avec les chinoises et coréennes, il restait 5 tours à faire, j'ai poussé ma coéquipière Audrey Faneuf, on a fait un dépassement. On était rendu deuxième à ce moment-là, Audrey a tombé. Fait qu'avec 5 tours à faire, c'était impossible de rattraper la mise, mais vraiment un très, très beau relais. Les filles là, sont investies. On sait où on veut aller. On veut gagner la médaille d'or. On sait qu'on peut le faire. C'est juste qu'il faut qu'on brise des barrières tranquillement, pas vite. Puis pour rêver justement à cette médaille d'or-là. Mais honnêtement, on brise des barrières de fois en fois. Avec l'année passée, une saison un petit peu plus compliquée. Je pense qu'on se connaissait pas non plus en tant qu'équipe. Mais maintenant, c'est différent. On se fait confiance. On veut travailler l'une avec l'autre. Puis cette année, on a brisé des barrières encore soit en faisant des dépassements, soit en réalisant qu'on peut rivaliser contre ces filles-là. Fait que je pense que ça promet pour les prochaines Coupes du Monde, mais oui, on est assez satisfaits de ce qu'on a donné. Il y a une chimie à faire, j'imagine, en reconstruction. L'équipe est comme en reconstruction, il y a une chimie à faire, il faut apprendre à se connaître, la force, la faiblesse, c'est ça un peu, là. Exactement, puis cette chimie-là est vraiment pas sous-estimée, là. Elle est plus qu'importante, parce que pour remporter une médaille d'or en équipe, il faut vouloir le bonheur de toutes les filles avec qui tu patines sur la glace. Puis il faut être capable aussi de laisser de côté nos épreuves individuelles. Fait que si ça a moins bien été pour moi dans une distance, ben je peux pas ramener ça sur la glace quand je patine avec mes autres filles. T'sais. Fait que c'est aussi un apprentissage, ça vient aussi avec de l'expérience. Ouais. C'est sûr que moi, je peux pas penser de la même façon que les filles que ça fait un an qu'ils sont sur le circuit. J'ai plusieurs relais à mon actif, j'ai des jeux olympiques à mon actif. Fait que c'est certain que c'est ça qui est difficile aussi, parce que moi, des fois, je voudrais qu'ils soient au même niveau que moi, mais ils peuvent pas arriver aussi rapidement que ça, tu sais. Fait que, on travaille autant, moi, qui a de l'expérience, sur ma patience, puis autant sur ces filles-là, qu'il faut qu'ils construisent quelque chose, puis on veut quelque chose de solide, on veut pas juste qu'ils arrivent sur le circuit, qu'ils baignent, qu'ils veulent le faire, mais que dans le fond, ils ont rien de solide. Si on veut que la base soit solide, c'est ça qu'on travaille, puis notre base a s'en vie de plus en plus solide. Il me reste deux points que je veux te parler, Marianne. Je veux te parler de Salt Lake City. Il y a une compétition, je pense que c'est en fin de semaine ou l'autre semaine, l'Apollo Ohio. Oui. L'année passée, tu n'étais pas là. Cette année, tu ne seras pas là. Évidemment, en raison que l'aréna va porter ton nom maintenant, c'est officiel, tu es ici. Ça te déçoit-tu un peu de ne pas participer à cette compétition-là? pas du tout. C'est mon choix à moi, enfin. Avant même de savoir ce qui s'exprimait ici à Saint-Étienne, moi, j'ai pris la décision il y a quasiment 2 mois de ne pas y la faire. La raison est simple. Je voyais pas l'intérêt d'y aller. Moi, quand je vais dans une compétition, je veux pas penser à l'argent que je vais faire. Je veux penser à moi en tant que mon développement d'athlète, en tant que qu'est-ce que ça va m'apporter sur mon niveau de course. Puis avec mon entraîneur, on a jugé que cette compétition n'allait rien m'apporter de plus que si je la faisais pas. Donc, j'ai préféré venir me reposer ici. Puis en même temps, ce qui arrivait aussi, c'est qu'on quitte pour l'Asie dans 3 semaines. Donc moi, aller faire une autre compétition, je trouvais ça un petit peu exigeant, je trouvais ça un petit peu difficile. Puis quand j'ai su que je pouvais venir à Saint-Félicien au lieu d'aller à Salt Lake, ben, j'ai préféré venir à Saint-Félicien. Dernier point, évidemment, on va se parler de ce qui s'en vient dimanche. C'est une belle honneur. On sait depuis l'automne que tu vas participer à cette compétition-là. Pas cette compétition-là, mais cette fête-là, c'est un bel honneur pour toi, là. Puis à quelque part, tu vas être très heureuse. Ah, c'est un très, très bel honneur. Quand M. le maire Pozin l'avait annoncé il y a quelques années, en fait, il y a 2 ans quasiment, j'étais extrêmement contente parce que je trouve que c'est non seulement un signe de fierté, moi je l'ai toujours dit, ma région, je suis fière de la représenter, puis je trouve que c'est vraiment un bon signe de retour aussi. C'est là où j'ai commencé. C'est extrêmement significatif aussi. C'est pas un bâtiment qui est anodin pour moi. C'est l'aréna. C'est là où j'ai commencé. J'ai fait mes premiers pas. C'est là où rime plaisir et rime tout plein de choses où j'ai commencé. T'sais. Fait que j'ai appris l'essence de mon sport là-bas. Donc que ce centre créatif-là porte mon nom, ça va être un honneur pour moi. Puis j'espère qu'il y a plusieurs Marianne Saint-Gelais qui vont se construire là. Ben, quelque part, quand on regarde ça, c'est pas mal toi, là, qui a été le... J'en parlais avec Robert Dubois, justement, lundi. C'est pas mal toi, là, que si des Catherine Mailloux, des Rosalie Tremblay, des Léonie Bradette, ben, Cassandra, vous avez la même âge. Vous avez compétitionné en même temps. Sauf que c'est pas mal toi, là, qui a été un petit peu le... Maud Tremblay ici à Dolbeau, qui a été un petit peu la première de toute cette longue lignée-là, là. Ben oui, c'est certain, c'est moi qui a tapé, c'est sûr que moi qui a tapé la piste. Je suis partie pour le centre national, j'avais 17 ans, donc moi j'ai fait l'équipe à 17 ans, fait que c'est sûr que si on n'a pas les mêmes parcours. J'ai fait ma première Coupe du monde, j'avais 16 ans, fait que tu sais, et je pense qu'il faut pas comparer. Ouais. C'est important de pas se mettre dans ce moule là de comparaison. Chacune a sa propre ligne, a son propre chemin. Ça veut pas dire que moi j'ai vu que j'ai fait les jeux à 19 ans, que si les autres filles font pas les jeux à 19 ans, qui n'auront pas une belle carrière. Tu sais, c'est vraiment important, puis je trouve que c'est difficile parce qu'on est plusieurs qui viennent de cette région-là, puis on est plusieurs à mettre le chapeau aux autres filles de Marianne Saint-Gelais. Mais Marianne Saint-Gelais, elle a sa propre vie, sa propre routine, ses propres valeurs, ses propres choses qui ont fait en sorte qu'elle s'est rendue là à 19 ans, puis qu'à 25 ans, elle est encore top dans son sport. Mais les autres filles doivent porter leur propre chapeau, puis doivent faire leur propre chemin. Tu sais. Fait que, moi, je suis extrêmement fière de ces filles-là. Je trouve ça le fun, en fait. On est que des filles. Fait que je trouve super le fun qu'on réussisse à percer de cette façon-là, puis qu'on réussisse à faire notre trace, puis qu'on mette non seulement notre région, mais notre ville sur la map. Mais je pense qu'il reste encore, c'est très important que jamais on se laisse comparer, puis que jamais ces filles-là portent ce chapeau-là qui ne les appartient pas, puis en même temps qui pourrait lui venir d'une certaine façon aussi. Fait que moi, je veux juste pas qu'on casse ce talent-là, puis que chacun fasse. C'est vrai ce que tu disais, parce que je regarde Cassandra Bradette, qui est sur l'équipe nationale, elle n'a peut-être pas eu les mêmes performances que toi. Par contre, Cassandra, elle a eu beaucoup, mais elle a eu beaucoup quand même de... Elle aurait eu raison de lâcher à un moment donné des blessures aux genoux, des performances qui traînaient, puis finalement, sur le tard, depuis 2 ans, sur l'équipe nationale. Donc, c'est chacun son histoire, hein. C'est vrai ce que tu dis là. Hein? Ouais. Exactement. Bon, Marianne, on se voit dimanche. Exactement. Marianne Saint-Gelais qui nous parlait des compétitions de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste.